Concert de Johnson donné le 28 septembre 1989 à l'ancienne laiterie de Strasbourg dans le cadre de Musica 89. Ce concert se poursuit avec successivement deux titres de Johnson, Rapid Shave et Snuggle Puss, ensuite Lonely Woman d'Ornette Coleman, Surfer Girl, Ignus Ejaculation 1 et 2, Jazz Snob He Cheat, toujours de John Zorn, Chinatown, le thème de Jerry Goldsmith, A Shot in the Dark, un thème d'Henry Mancini, et puis ensuite ce concert se termine avec des compositions de John Zorn, Life Force, You Will Be Shot, Cincinnati Kid, Saigon Pickup et New York Flat Top Box.